vous égariez pas. Et dans l'autre verset, nous t'avons descendé le livre éclaircissement sur tout. Dans l'autre verset, qui est plus véridique dans la parole sinon la parole d'Allah? Hein? Et donc, la voie la plus sûre, c'est le fait de confirmer Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il s'est fait confirmer à lui-même, ce que lui a confirmé le messager alayhi salam, sans tomber dans la déformation des sens, sans faire la négation, sans chercher de similitude et sans chercher le comment. فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله يبين للخلق غاية البيان الطريق التي توصلهم إليه وأعظم ما يحتاج إليه الخلق وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما يتعلق بالله تعالى وبأسماء الله وصفاته حتى يعبدوا الله على بصيرة لأن عبادة من لم نعلم صفاته أو من لم ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا فلا بد أن تعلم من صفات المعبود ما تجعلك تلتجئ إليه وتعبده حقا. Et donc Cheikh Uthaymeen de nous dire ces versets et d'autres prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éclairé les créatures d'un grand éclaircissement. Il les a éclairés sur les voies et sur la voie qui va les amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il les a éclairés sur la chose dont ils ont plus besoin, qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a éclairés, Azza wa Jal, sur lui, sur ses noms, sur ses attributs, pour qu'il l'adore avec science et avec clairvoyance. Car adorer quelqu'un dont on ne connaît pas les attributs, ou quelqu'un qui n'a pas de tributs, c'est quelque chose qui est irréalisable. Donc il est obligatoire qu'on connaisse les attributs de notre souverain Azza wa Jal. Cette connaissance des attributs qui va faire qu'on sera obligé de se tourner vers lui et de lui obéir, de se soumettre à lui. ولا يتجاوز الإنسان حده إلى التكييف أو التمثيل لأنه إذا كان عاجزا عن تصور نفسه التي بين جنبيه فمن باب أولى أن يكون عاجزا عن تصور حقائق ما وصف الله به نفسه ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع عن نفسه عن السؤال بما لما وكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. Et donc, mais avec ça, l'être humain ne doit pas dépasser ses limites à aller chercher le comment des attributs d'Allah, à aller chercher à faire des similitudes à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est l'être humain, il est incapable d'imaginer l'âme qui est en lui. Donc, comment il peut réaliser et arriver à imaginer les attributs avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit? Il ne connaît même pas son âme. Comment il est son âme, il ne sait pas. Comment il peut arriver au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, au commandement des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça qu'il est obligatoire pour la personne de ne pas se perturber l'esprit avec pourquoi, comment, en ce qui concerne Allah Azza wa Jalla et les attributs d'Allah. T'as pas à te casser la tête quand il s'agit d'Allah, quand il s'agit du nom d'Allah, quand il s'agit des attributs d'Allah, pourquoi, comment, enlève-le de ta tête, enlève ça de ta tête. وهذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيرا وهذه حال السلف رحمهم الله ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق برأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدئا. Et cette voie qui est le fait de ne pas chercher le comment et pourquoi en ce qui concerne Allah, les lois d'Allah, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, si la personne il prend cette voie là il va avoir la quiétude totale. le repos de l'esprit, le repos de son âme. Et ça, c'est la voix de nos pieux prédécesseurs, radhiyallahu anhum. C'est pour ça qu'en cet homme est venu voir l'imam Malik, ibn Anas, rahimahullah, il a dit, « Ya Aba Abdillah, le clément s'est établi sur le trône. Comment il s'est établi ?» Et la question était énorme. L'imam Malik, il a baissé la tête, tellement que le rapporteur de la version, il dit qu'on voyait de l'eau dégouliner sur le front de l'imam Malik. Tellement la question était énorme. Comment Allah s'est établi sur le trône? Il a levé la tête à l'âge de temps, il lui a dit, l'élévation n'est pas ignorée. C'est-à-dire l'élévation, sa signification dans la langue arabe, ça veut dire être au-dessus, être en hauteur au-dessus de quelque chose. Ah, hein, dans la langue arabe, la signification de l'istiwa. Mais le comment, la raison ne peut pas le capter. C'est-à-dire, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme il sait à sa grandeur, mais comment il est élevé à Zawajal, c'est impossible à la raison de le capter. Et il dit, la foi, il est obligatoire de croire en l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de poser une question sur le comment de l'élévation, c'est une innovation. Le fait de poser la question sur l'élévation d'Allah, c'est une innovation. Et il regarde la personne, il voit que je vois, tu es un innovateur. Et s'il ne l'a pas cité ici, il a donné l'ordre de le sortir de la mosquée. Pourquoi il a donné l'ordre de la sortir? Pour montrer aux gens que ça, c'est quelque chose dans laquelle on ne s'immisce pas. Comment sont les attributs d'Allah? Et pour que les gens, ça ne les perturbe pas, qu'ils s'arrêtent, qu'ils ne cherchent pas le comment, qu'ils ne se posent pas des questions là où il ne faut pas. وقال الشيخ ابن عثيمين أما في عصرنا الحاضر فنجد من يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء الدنيا لأن الليل يمشي على جميع الأرض فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر وهذا لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن لبينه الله إما ابتداء أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو يقيم من يسأله عليه الصلاة والسلام عنه فيجاب عنه كما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض فأجابهم فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج الناس إليه أن كل ما يحتاج الناس إليه فإن الله يبينه بأحد الطرق الثلاث. Et à notre époque, je trouve certains dire, comme dit Cheikh ici, Allah descend le dernier tiers de la nuit vers le ciel de ce bas monde. Vers le dernier tiers de la nuit. Ça, c'est un hadith confirmé par Rasulullah, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala descend. Ils disent, Ouma, ils rentrent leur raison là où il ne faut pas. Ils disent, cela implique que toute la nuit, Allah, il est dans le ciel de ce bas monde. Car la nuit, hein, est différente d'une région à une autre. Hein? Et le dernier tiers de la nuit, bah, change d'une partie du globe à une autre. Hein? Et cette parole, les nobles compagnons ne l'ont pas prononcée, ni le messager alayhi salatu wassalam. Et si cela devait être dans le cœur des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous en aurait éclairé, soit directement, avant que ça se pose, soit par la voix du messager alayhi salatu wassalam, qu'un homme vient et pose la question au messager alayhi salatu wassalam, et le messager lui répond. Mais personne ne lui a posé cette question. Sur comment la descente d'Allah et que le trône va être vide et tout ça, ce que les questions avec lesquelles sont perturbés nos contemporains, parce qu'ils rentrent dans le comment et ils ramènent leur raison là où il ne faut pas. Les compagnons, les nobles compagnons d'Allah alayhim, ont posé la question à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, où était Allah avant la création des cieux et de la terre? Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu dans le hadith. Quand ils sont venus le voir, ils lui ont dit, « Ya Rasulallah, ils sont venus te poser une question. Hein? » Allah était, il n'y avait rien avant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala existait avant. Hein? Une existence qui n'est ni début ni de fin. Hein? Azali. Hein? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Allah il était, hein, quand ils lui ont posé la question où il était Allah subhanahu wa ta'ala avant, hein, la création des cieux et la terre, il leur a dit, Allah existait avant tout autre, avant quoi que ce soit. Allah existait, l'existence éternelle qui n'a ni début ni de fin. Et son trône était sur l'eau. Point. Et ils sont partis. C'est fini. Ils ne sont plus posés de questions. Hein? Rien à l'affaire, elle est réglée. Hein? Et donc, si ce genre de questions devait cette question énorme prouve que tout ce dont ont besoin les gens dans leur croyance, Allah nous en a éclairé par l'une des trois voies. Hein? Soit directement Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire dans le Coran, ou par une révélation directement au messager alayhi salatu wassalam, soit il y a quelqu'un qui va venir poser la question à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme les compagnons sont venus poser la question où était Allah subhanahu wa ta'ala avant la création des cieux et de la terre, et il leur a dit, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette question, le trône va être vide et il sera tout le temps vide parce que la nuit change une région à une autre, tout ça ce sont des futilités. Et c'est parce que l'être humain ne sait pas s'arrêter. T'as notre raison, il a des capacités, et s'il dépasse sa capacité, il va dans l'égarement. Donc, et notre raison nous capte et nous comprend que les choses qu'il voit ou qui lui sont palpables ou touchables par les sens, par la main, par la vue, par le goût, par l'odorat, par ou par lui, etc. À travers de ces messages qu'il reçoit. Donc il peut. Il y a des choses que tu ne vois pas. Hein? Déjà l'âme, il ne peut pas la capter, la raison. Il ne sait pas ce que c'est. Hein? Parce que il ne la capte par aucun sens. Il ne sait rien d'elle, ni par la vue, ni par lui, ni par rien du tout. Hein? Comment il peut s'immiscer dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est son âme, il ne la connaît pas. Comment il peut? Avec quel droit? Hein? Quel droit lui permet d'aller chercher dans les commandes des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? والجواب يقول الشيخ والجواب عن الإشكال في حديث النزول أن يقال ما دامت ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقيا فالنزول فيها محقق وفي غيرها لا يكون نزول قبل ثلث الليل الأخير أو النصف والله عز وجل ليس كمثله شيء والحديث يدل على أن وقت النزول ينتهي بطلوع الفجر وعلينا أن نستسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا واتبعنا وآمنا فهذه وظيفتنا لا نتزاوج القرآن والحديث إلى réponse à cette ambiguïté dans le hadith de la descente. C'est que Cheikh il dit, tant qu'il existe le tiers de la nuit dans une région, la descente il a lieu dans cette région. La descente s'accomplit là où il y a le dernier tiers de la nuit. Et là où il n'y a pas le dernier tiers de la nuit, il n'y a pas de descente. Hein? Il n'y aura pas de descente avant le dernier tiers de la nuit. Et donc là où il y a le dernier tiers de lui, il y a la descente, il le confirme tel quel. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, rien ne lui ressemble. Donc il descend. Comment il est sa descente? Allah ta'ala alam. Et le hadith prouve que le moment de la descente s'arrête avec la levée de l'aube. Donc, et nous, on ne s'immisce pas dans les choses de l'invisible. Hein? Et donc, des chers, notre devoir, c'est de se soumettre et dire, nous avons entendu, nous obéissons, et nous suivons, et nous croyons. Ça, c'est notre fonction. On ne dépasse pas le Coran, et on ne dépasse pas la Sunna. Et ici s'arrêtent les paroles, le passage, la signification qu'a donné Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh au monothéisme, Et je vous cite certaines paroles de nos nobles imams concernant le monothéisme. Pour terminer cette assise, Inch'Allah. يقول الإمام أبو حنيفة في التوحيد لا ينبغي لأحدنا أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه مأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذلوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال أبو حنيفة رحمه الله يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. Dans cette parole de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, il te montre que il ne suffit pas à quelqu'un de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par quelque chose qui n'est pas autorisé. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par les choses par lesquelles il t'a autorisé de lui demander. Et ceci vient de l'interprétation du verset qui dit, ah, la traduction dit, Allah les sublimes noms. Demandez-lui avec ces sublimes noms. Et laissez de côté ceux qui litigent et ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah. Ils vont être récompensés comme il se doit. Abu Hanifa dit, il est détestable que quelqu'un qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il demande par le droit de tel. Ou par le droit de tes prophètes, ou par le droit de tes messagers, par le droit de la maison sacrée, et ainsi de suite. Tu demandes par les noms et les attributs d'Allah. Hein? وَقَالَ وَصِفَاتُهُ بِخِلَافِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ يَعْلَمُ لَكَ عِلْمِنَا وَيَقْدِرُ لَكَ قَدْرَتِنَا ويرى لاك رؤيتنا ويسمع لاك سمعنا ويتكلم لاك لكلامنا. Et il a dit rahimahullah ta'ala, pour voir que nos pieux prédécesseurs étaient sur cette voie là hein? Il a dit concernant les attributs d'Allah, et les attributs d'Allah sont différents des attributs de ses créatures. Il a la science non pas comme notre science, et il a la capacité et la puissance non pas comme notre capacité et notre puissance. Il voit non pas comme notre vie, et il entend non pas comme notre comme nous entendons, et il parle non pas comme nous nous parlons. Donc, il y a des attributs que nos pieux prédécesseurs confirment les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, comme il s'y a la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala, sans déformation, sans négation, sans similitude, et sans chercher le comment. وقال للمرأة التي سألت أين إلهك الذي تعبده قال إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض فقال له رجل أرأيت قول الله تعالى وهو معكم قال هو كما تكتب للرجل إني معك وأنت غائب عنه. Et la femme qui est venue voir l'imam Abu Hanifa rahimahullah, il lui a dit où est ton souverain que tu adores. Il lui a dit il est au ciel au-dessus des cieux, a élevé au-dessus de tout. Et un homme qui était là, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu dis verset où il est dit, il est avec vous. Il lui a dit, ça c'est comme quand tu cries à quelqu'un et tu lui dis, je suis avec toi alors que tu es loin de lui. Tu lui envoies la lettre, tu lui dis, je suis avec toi, mais tu es loin de lui. Hein? Et il est avec vous ici, il est avec vous avec science. Il vous voit, hein? Il entend ce que vous faites. Et ainsi de suite. Mais Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout. Hein? Il est au-dessus de tout, au-dessus du trône, etc. وهذا إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وأسكنه فحسيح جناته. يقول فيما أخرج الدرقطني قال عن الوليد بن مسلم قال سألت مالكا والثوري والأوزاعي والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت. Dans ce qui est rapporté par Daraqutni rahimahullah de الوليد بن مسلم, il a dit, j'ai posé la question à Malik, à l'imam Malik, il y a الثوري, il y a الأوزاعي, il y a الليث بن سعد, sur les hadiths des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. dit, parce que c'est les tels qu'ils sont arrivés. Cherchez pas les similitudes. Cherchez pas à leur chercher des similitudes nul ou comment. Parce que c'est les tels qu'ils sont arrivés. Hein? وسئل الإمام مالك رحمه الله عن الكلام والتوحيد فقال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فما عصم به المال والدم حقيقة التوحيد ها ما عصم المال والدم إلا بالتوحيد ها et on posa la question à l'imam Malik rahimahullah concernant le monothéisme et il a dit impossible de croire que le prophète alayhi salatu wasalam a enseigné à sa communauté comment cela avait les parties intimes et il ne leur a pas enseigné le monothéisme c'est impossible Et il dit, et le monothéisme, c'est ce qui est arrivé dans le verse, dans le hadith du prophète, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et donc le fait qu'ils disent la ilaha illallah va protéger leur vie, leur sang, leurs honneurs. Hein? وقال ابن عبد البر رحمه الله سئل الإمام مالك يرى الله يوم القيامة فقال نعم يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال لقوم آخر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وانا بوزي لا كيستيون الإمام مالك رحمه الله تعالى est-ce que comme le rapporte ابن عبد البر رحمه الله Est-ce que Allah sera vu le jour de la résurrection? Il a dit oui. Naam. Allah sera vu par les croyants le jour de la résurrection. Et il a cité le verset des jours embellis, des visages, ce jour-là, des visages seront embellis. Et ils regardent leur souverain. Et il a dit concernant d'autres, Certes, hein, ils sont voilés de la vie de leur souverain. Certains ils seront voilés, qui sont les mécréants, hein, et les autres, là, leurs visages seront illuminés. Et ils verront leur souverain. Azza wa Jal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nas'Allah subhanahu wa ta'ala, nazuqna wa iyyakum ru'yat Rabbina yawm al-qiyamah. وأورد القاضي عياض في ترتيب المدارك عن ابن نافع وأشبع قال وأحدهم يزيد على الآخر يا أبا عبد الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ينظرون إلى الله قال نعم بأعينهم هاتين فقلت له فإن قوما يقولون لا ينظر إلى الله إن ناظرة بنا معنى منتظرة إلى التواب قال كذبوا بل ينظر إلى الله أما سمعت قول موسى عليه الصلاة والسلام رب أريني أنظر إليك أفترى موسى سأل ربه محالا فقال الله لن تراني أي لن تراني في الدنيا لأنها دار فناء ولا ينظر ما يبقى بما يفنى ولا ينظر ما يبقى بما يفنى فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى وقال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون Et on rapporte aussi, comme le rapporte le Qadi Iyad, que quelqu'un a posé à Abdillah, toujours un imam Malik, des visages illuminés qui verront leur souverain, qui regardent leur souverain. Il dit, est-ce qu'il voit Allah ? Il dit, certes, ils le voient avec leurs yeux, et il a montré les yeux. Ils le voient avec leurs yeux. Il dit, parce que, il y a des gens qui disent qu'Allah, on ne le verra pas, et qu'il ne se voit pas, et que Nadira ici veut dire, ils attendent la récompense, déformation des sens, hein. Regardez ceux qui tombent dans la déformation, la fausse déformation des termes. Il dit, ici, Nadira, ça veut dire ils attendent la récompense. Imam Malik, rahmatullah, ils ont dit, ils ont menti, hadou, ils n'ont pas dit vrai, ils ont menti. Mais Allah se verra, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Il lui a dit, tu n'as pas entendu la parole de Moussa alayhi salatu wasalam quand il a demandé à Allah, Azza wa Jal, ô souverain, hein, fais que je te vois. Hein? Et est-ce que les mêmes malik disent que Moussa a demandé quelque chose d'impossible à Allah subhanahu wa ta'ala? Et Allah lui a répondu, l'antarani, tu ne verras pas. Hein? C'est-à-dire tu ne verras pas dans ce bas monde. Parce que c'est un bas monde qui est voué à être exterminé, à s'anéantir et à finir. Et on ne voit pas l'éternel avec ce qui va se terminer et avec ce qui va s'anéantir. Et quand ils seront dans la maison de l'éternité, ils vont voir dans ce cas-là l'éternel Azza wa Jal avec les yeux qui vont être éternels pour eux aussi. Ils verront l'éternel Azza wa Jal. Et là, il lui a cité le verset qu'Allah et d'autres seront, un voile sera jeté contre eux, ils ne verront pas Allah Azza wa Jal. Tout ça pour te montrer à l'islam que nos pieux prédécesseurs, les doigts d'Allah alayhim, n'utilisez pas, hein, ne jouez pas, ne déformez pas les attributs d'Allah. Ni les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni chercher le comment, ni les similitudes. Abadan. أورد ابن القيم في اجتماع الجيوش عن الشافعي أنه قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذتم عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهم الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء. Et ça, c'est une noble parole de l'imam Shafi'i rahimahullah que rapporte Ibn al-Qayyim dans son livre Ijtima' al-Juyush. Il dit, la parole dans la sunna sur laquelle je suis, c'est-à-dire la sunna à laquelle je m'attache et la sunna à laquelle j'ai vu mes compagnons s'attacher parmi les gens du hadith, ceux chez qui j'ai appris la science comme Soufiane Thawri et comme l'imam Malik et d'autres, c'est la sunna, c'est le fait de confirmer l'attestation qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout, au-dessus de son trône azza wa jal, et qu'il se rapproche de ses serviteurs comme le veut Allah azza wa jal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel du bas monde comme il veut azza wa jal. Tu vois encore l'imam Malik confirme le monothéisme, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, confirme les noms et les attributs à Allah subhanahu wa ta'ala comme il sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال رحمه الله فيما أورد الذهبي في السير عن الشافعي أنه قال نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة وننفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. الإمام مالك نذكي rapporté par l'imam Dhahabi dans Siyar, le rapportant du Shafi'i, que Shafi'i a dit, nous confirmons ces attributs, c'est-à-dire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont dans le Coran et qui sont dans la Sunna, et on ne fait pas de similitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on fait la négation des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié à lui-même. Donc on lui confirme que ce qu'il s'est confirmé lui-même. Laïsa kamitli ishay, et rien ne lui ressemble. Ça, ce sont nos pieux prédécesseurs de Dwanullah alayhi. Wa hada qawlu imam Malik, imam Ahmad rahimahullah ta'ala. حيث يقول عن التوحيد أن الإمام أحمد سئل عن التوكل فقال قطع الاستشراق بالإياس من الخلق. L'imam Ahmad rahmatullah alayhi, on posa la question sur le fait de faire confiance, tawakkul, qui est le fait de faire confiance à Allah. Il dit, c'est-à-dire, coupe ton espoir des choses qu'il y a entre les mains des gens, des créatures, et mets ta confiance en Allah Azza wa Jal. Hein? وورد ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد فيه قال صفوا الله بما وصف به نفسه وانفوا عن الله ما نفاه عن نفسه. الإمام أحمد يلدي وسكي رابورتي دون لو ليف كا يكري ابن الجوزي دون لي فيرتو دو الإمام أحمد اتريبيو الله سبحانه وتعالى لي اتريبيو كي سي اتريبيو لي ميم et fait la négation de tout attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nié pour lui-même. On rejette tous les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas reconnu à lui-même. Et on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala que les attributs qu'il s'est donné à lui-même. Wa awrada al-imam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, qawl imam Ahmad, nahnu nu'minu bi anna Allah ala al-arshi. كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد فصفات الله منه وله وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار. إيه il dit رحمة الله عليه donc qui est rapporté par Ibn Taymiyyah et la parole de Ita Ita l'imam Ahmed, nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône comme il veut, hein? Comme il veut, Azza wa Jal, hein? Sans limite, ils sont caractéristiques ou attributs, hein? Que peut atteindre quelqu'un qui fait la description. Ils sont limites que quelqu'un peut limiter. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont à lui, ils sont de lui. Et il est comme il s'est décrit lui-même. Et les vues ne peuvent pas le capter. Ne peuvent pas le capter. Hein? Donc tu vois que le pieux prédécesseur, le droit d'Allah, alayhim, hein? Attribue à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est attribué à lui-même. Il rejette tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas donné comme attribut. وَأَخْرَجَ اللَّكَاءِ عَنْ عَبْدُوس بْنُ مَالِكِ الْعَطَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق فإن كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق. ها إيه لكائد غبطت دو عبدوس بن مالك العطار إلى دي جونتوندو دو عبد الله أحمد بن حنبل دير القرآن سلا بارول الله. Ce n'est pas une créature. Il a dit, ne faiblis pas au fait de dire, ce n'est pas une créature. Car la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est une créature. Hein? Ce sont les paroles de le plus prédécesseur, Ridwanullahi alayhim. فهذه هي العقيدة التي ستنجينا أمام الله سبحانه وتعالى وهي التي تجمع المسلمين جمعا يعصمهم من التفرق والتمزق لأنها مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فهم الصحابة ومنهجهم رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان لهم الدين. Donc ça, ce sont quelques paroles de nos pieux prédécesseurs, de ces grands imams qui sont pris comme des hommes véridiques dans la communauté. Leur parole est une parole qui pèse dans la communauté. Regarde leur croyance, comment ils étaient. Et ça, c'est la croyance que nous devons avoir. Et c'est la seule croyance qui peut unir la communauté et qui peut sortir la communauté de la division dans laquelle il est. Car c'est une croyance dont l'origine, c'est le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du messager alayhi salatu salam, et la voix et la compréhension des nobles compagnons d'Allah alayhim. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu alayhi wa sallam wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum, ahsallahu alaykum, jazakallahu.